Mm-hmm. suis un peu perdue dans les paroles. Maïki, je suis désolée, absolument désolée. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes. C'est n'importe quoi. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Moi aussi, je me prends une belle pelle. Tu vas. Je n'ai pas oublié les feuilles mortes. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. À la pelle. C'est drôle.